Le comité national d'études du kim-sunnisme kim-jong-ilisme du Nigérian a indiqué le 5 courant dans son page d'internet que malgré la conclusion de l'accord d'armistice de juillet 1953, l'état instable qui n'est ni la guerre ni la paix persiste pendant plus de 60 ans dans la péninsule coréenne. Il a précisé que l'établissement du système de paix durable dans cette région, le point le plus chaud dans le monde et lieu de confrontation nucléaire, est la demande urgente de l'époque.